Si j'avais tout à la fois jusqu'à transporter les montagnes, qu'il me manque l'amour et je ne suis rien. La plus grande est la charité.